Bonsoir, vous êtes à l'écoute de KFAI sur Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Bonsoir, Dana. Bonsoir, you're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, 106.7 FM, St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour, Minnesota. My name is Dana. My name is Olaf Carol. And then we have a distinguished guest. We want to welcome to the station tonight, Consul General Jean-Michel Marchand. From the Canadian consulate in the Twin Cities. Merci beaucoup, enchanté, Dana. Welcome. You must be bilingual. Un peu. since you serve a bilingual country. Exactement, oui, oui. Bienvenue. Merci. And your visit to the station falls on the eve of something important happening tomorrow. Oui, c'est vrai. Demain sera la fête du Canada, la naissance du Canada. C'est la fête numéro, je pense, 188. 188? Oui, donc c'est une occasion de célébrer la création du Canada et pour tout le monde au travers du Canada de participer dans des fêtes, des célébrations, dans des rues, des fireworks, etc. Oui. So Canadian Independence Day is tomorrow, you were saying 48. 148 years. Yeah. And would you say that the Canadian Independence Day is the same somewhat? Are there fireworks and picnics? Oui, c'est pas de la journée d'indépendance comme ici, aux États-Unis, Independence Day, mais au Canada, c'est la fête. La Fondation Canada Day en anglais, la journée du Canada. C'est un peu différent, mais... il y a toujours des activités dans la grande ville, dans le petit village, dans les rues, des citoyens, les voisins célébrer avec le pique-nique, le barbecue, sur le lac, à bord du lac, dans la grande ville. Et à la fin de la journée, dans la nuit, il y a les fireworks. C'est une grande célébration de fireworks dans la colline du Parlement à Ottawa. Mais tout le monde au travers du Canada, dans des villes, des villages, il y a des célébrations avec les fireworks, etc. Oh, fantastic. We have several versions of O Canada that were sent to us. Oh, j'imagine il y a beaucoup de versions. Well, let's go ahead and listen to O Canada, the French version, start out. One second. La version anglaise, la version française, aussi la version bilingue. Okay, here we go avec la version française. Fantastic. Oh, Bon, c'était Au Canada en français. So, Au Canada, the French version. And do we have a history of the song? Perhaps when it was written. When it was written, was it originally in French or in English? Oui, la écrivain d'anthem était un francophone, un québécois. Donc, il s'est écrit et après quelques temps, il a écrit deux versions anglais et français. Mais maintenant, la plupart des Canadiens chantent la version bilingue. Donc, il y a, comme le Canada, il s'est un pays bilingue avec deux langues officielles du Canada, l'anglais et le français. Et on chante l'anthem dans les deux, en anglais et en français. C'est fantastique. C'est quelques lignes en anglais, quelques lignes en français, etc. So we'll listen to the bilingual version in just a second. Essentiellement, ça explique le Canada. C'est un pays dans lequel on travaille dans les deux langues, on vit dans les deux langues. Okay, so let's... C'est une partie de notre culture. D'accord, on y va avec la version bilingue. Fantastique. Beautiful. Merci beaucoup. No, it's very beautiful, very easy to sing, I think. And by any means, it's very calm and reflective. It's not as many of those of the national anthems just drip with blood, if you think of the French Marseillaise. Yeah, the blood and the furrows. and the American, well, it's not so much blood, but their cannonballs are flying through the air. So this one is very, very, very nice. Hopeful, yeah. Full of hope. And full of hope, of pride for the country and protecting the country and doing well in it, yes. What percentage of Canada is French-speaking? Environ, je crois, 20%. Je ne suis pas certain, mais le Québec, évidemment, la province avec la population, la majorité sont des francophones. Mm-hmm. Mais il y a des groupes de francophones qui traversent le pays, dans l'Ontario de l'Est, entre, par exemple, dans les régions d'Ottawa et Sudbury. On trouve des francophones. Évidemment, aussi au Nouveau-Brunswick, il y a un grand groupe des Acadiens. Mm-hmm. Et les Acadiens, c'est la population originale. Et avec des migrations dans le passé, quelques Acadiens ont fait des migrations vers la Louisiane. Je suis descendante des Nouveau-Brunswick, La Rochelle, la Nouvelle-Rochelle. Oui, Nouvelle-Rochelle. Mais aussi dans l'ouest du pays, au Manitoba, dans le sud, dans une banlieue de Winnipeg, c'est Saint-Boniface, c'est une autre ville, juste près de Winnipeg. Ça, c'est un grand groupe de francophones, mm-hmm. originaire de francophones, de voyageurs avec de groupe des Octocton, American Indians in America. Their accent must be quite distinguishable from the Québécois. Considering their geographic distance, I'm wondering... Oui, the accent québécois is particular. C'est trop différent de l'accent de français de la France. Oui. Mm-hmm. Where are the Acadians located? Au Nouveau-Brunswick. New Brunswick, yeah. Because a lot of Americans don't know the origin, and the word Acadien became deformed, and when they moved to Louisiana, they became Acadien, Cajun. Cajun, yeah. So Cajuns were originally the French Acadians. C'est vrai, oui. Mm-hmm. What a distance to have gone. Il y a l'Inde, par exemple, dans les années, maintenant, j'imagine aussi maintenant, mais dans les années 80, 90, il y avait un chanteur qui s'appelle Jacques Richard. C'est un Américain. Mm-hmm. D'originaire de Louisiane ou dans le sud des États-Unis. Il a chanté de Saint-Jean en français. Il était un grand pop star, si vous voulez, rock star, au Québec. Parce qu'il a fait le lien, la fusion entre le Saint-Jean québécois et la musique de Louisiane, la Cajun music. Cajun. Mm-hmm. Wow, yeah, we should definitely... And they were, if the Acadians were... brought down there or transported down there, this under distress. Yeah, it wasn't one of the best parts of Canadian history, like a lot of countries. But in the end, I think in the United States, like the Canadians, occasions are kind of fed in. New Orleans wouldn't be there. We can be grateful for that. That's right. Yes. We just have a quick announcement, and we'll get back to our interview with some music. KFAI is The Grand Diva and Ivy on Great Blend of Watercolors. Visitere le roi du Minnesota. I said, when you come visit me, we will go to the Minnesota State Fair. Bonsoir, baby girl. Merci. KFAI is community. Stay connected on the air and at kfai.org. Full of promise and love. There's a world full of world will be a joy. I believe it will be when we know what it is to be free. This world is full of trouble and more. This world is full of trouble. All right, who was that? Oh, that was Ruth Moody. So Ruth Moody, certain chanteuse de Manitoba, de Winnipeg. Ruth is song band at ici, il y a je pense une pour une performance ici dans l'Oshaughnessy, l'auditorium. Oh, c'est très populaire ici. C'est très populaire en Amérique du Nord. What was the name of that album? Oh, These Wilder Things. And that title was Trouble and Woe. On Red House Records. Red House Records and Red House Records at C, no. St. Paul. Okay. All right. It was just the Fête de Saint-Jean-Baptiste? The Fête de Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est la fête, la grande fête de célébrer Saint-Jean-Baptiste, évidemment. Mais pour le Québec, c'est une fête importante. Mm-hmm. Donc ça, c'est une vacance, une holiday au Québec de célébrer la vie de Saint-Jean-Baptiste. Donc c'est écrit là au Canada, c'est un peu comme la célébration de la fête du Canada. Là. All right, and I know that you had, I think there was a celebration at your house in conjunction with the Alliance Française. How did that go? C'est très, très bien, gentil, fantastique. C'est l'Alliance Française, qui est un groupe ici à Minneapolis, de promouvoir la culture française, de toutes sortes de cultures. Donc, il a organisé un événement de célébrer la fête avec la nourriture, le bon vin, évidemment, etc. Et Feroz, mon épouse et moi, ma femme et moi, a ouvert notre maison, notre pour la fête. Donc, La température était beau, il fait bon, donc c'est très, très agréable. Est-ce qu'il y avait des nourritures qu'on mange typiquement? Au Québec, par exemple, une nourriture de poutine. C'est une, la poutine. La French fries, de frites avec la fromage, la cheese curds et aussi la gravy. mais c'est mais on achète au Québec, dans la rue, si vous voulez. Oui, ça, c'est très comme rural. Mais ici, on achète le poutine créé par Vincent, le grand restaurant ici. Donc, au niveau de sophistication, c'est fantastique. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle le pudding chômeur. Quelle sorte de pudding? Pudding chômeur. Chômeur, c'est un... Sans travail. Oui, chômeur. Le bon nom, marché, peut-être. Oui, donc c'est un pudding qui est avec beaucoup de sucre, le sirop d'érable, le caramel, etc. Et donc, c'est un pudding des gens mangent pour la nourriture, pour la célébration. Ça n'écoute beaucoup de créer, parce qu'on utilise la flour, quelques œufs, le lait et le sirop d'érable, c'est tout. Oh, c'est comme it's like a bread pudding. But comme le bread pudding, ce n'est pas le bread pudding. Parce qu'il n'y a pas le pain. Okay, not inside of it. Mais la même idée de créer quelque chose avec sans beaucoup de d'argent, sans beaucoup des ingrédients, mais créer quelque chose avec des substances et des bonnes saveurs. Kind of like a crepe, but thick. With the ingredients. Mais crepes sont un peu plus sophistiqués. Yeah, yeah. Aussi au Québec, comme la France, il y a beaucoup de fromage, de bon fromage, etc. Quelque chose qui s'appelle la tourtière. Ça, c'est comme la tourtière. Une pâte, un meat pie, une pâte avec des ingrédients. on peut varier des ingrédients, mais la, comme la, la viande de bœuf, des agneaux, le porc, etc. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est une autre chose qui sont avec la substance. Donc, c'est pour toute la, dans l'histoire du Québec, des gens travaillent à dans l'extérieur, dans le bois, dans des terrains agricoles, travaillent fort d'eau. Donc, ils créent comme un bon good appetite. Yeah. Donc, on a besoin de beaucoup de choses, de substances. A good hearty avec dish. Beaucoup de calories, yeah. Oui. Mais ça se vend dans l'église Notre-Dame de Lourdes. Exactement. Oui, à Noël. À Noël, ils font des tourtières. C'est excellent. C'est excellent. Oui, oui. Mm-hmm. So you're saying that you can buy these types of pies at Christmas time? Et aussi pour la tourtière, c'est une partie importante de la repas de la journée avant la Noël, la Christmas Eve. Okay. Oui, après la célébration de Masse dans la religion catholique, dans le soir, mm-hmm. on revient dans la maison et on grand repas. Et la tourtière, c'est une partie très importante. Comme en France, le réveillon. Réveillon, exactement. Mm-hmm. Mais c'est exactement la même idée. Mais il y a aussi à Houston, Houston. What's next in Wisconsin? The next Madison? Hudson, yes. Seems to be some people who are doing a pea soup. Le soup de bois, c'est aussi la même chose, la même idée. Le pea, c'est la substance, beaucoup de protéines, la nourriture, et on peut créer une dish sans beaucoup de choses, sans beaucoup de danger. Simple, right. On mange peu si on fait la régime. mais c'est vrai. Ce n'est pas bon boy si vous êtes dans un régime, non. All right. Mais c'est délicieux. C'est bon, oui. Exactement, oui. So what, in your capacity, if you've just joined us, it's Bonjour Minnesota, and we have our special guest, Consul General, Jean-Michel Merchant, with us tonight. And what kinds of services can people have, let's say, recently with the legislation in the United States, a lot of people said they're moving to Canada. Could they just walk down to the consulate and denounce their U.S. citizenship? Can that happen? Je crois, mais je pense. If somebody c'est wanted le choix to. Des gens, oui. Canada. Mais non, donc mon rôle, c'est comme un consul général. Je suis un diplomate, un représentant du Canada dans le Midwest des États-Unis. Et nous avons un bureau ici, à Minneapolis, mais notre région, notre territoire, c'est les États de Minnesota, la Dakota du Nord, Dakota du Sud, Nebraska et Iowa. Oh, et dans cette région, nous avons trois grands volets des activités. Premièrement, c'est un volet de fournir des aides pour les Canadiens qui sont avec des problèmes. Le problème le plus fréquent, c'est on perd un passeport canadien. Des visiteurs ici, canadiens, qui really se demandent, oh mon Dieu, j'ai perdu mon passeport, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai un officiel, un consul, si vous voulez, pour donner des aides pour des gens comme ça. Et ça, c'est une chose importante pour tous les services diplomatiques dans tout le pays. Le deuxième volet est de donner des aides des entreprises américaines, en particulier des entreprises de taille petite et moyenne. Donner des aides, de regarder, de considérer le Canada, pour des investissements au Canada. Donc, travailler avec une entreprise ici. Et si vous êtes dans près de créer des frais d'entrée de le marché des exports, considérez le Canada, parce que le Canada est un pays trop similaire d'ici. Notre règle, notre loi, notre système de travail, c'est presque exactement la même chose. Et pour nous, des investissements au Canada, c'est très important de créer la croissance économique, de créer des emplois. Avec la croissance économique et des emplois, on crée la valeur dans les communautés, le d'argent dans les communautés, les gens avec un travail achètent des choses dans des villages, des communautés, des grandes villes, donné le d'argent là. Ça, c'est le deuxième volet, et finalement, le troisième volet, et de comprendre quelle est la grande politique ici, politique dans le sens de policy en anglais, et aussi political. La politique en français, c'est la même chose. Oui. Mm-hmm. Et comprendre, est-ce qu'il y a des politiques qui impliquent le Canada, qui touchent le Canada, et comprendre quelle est la politique, quelle est l'implication pour le Canada, et puis expliquer le point de vue du Canada. Et dans ça, on travaille avec toutes sortes de gens, des personnes comme des gouverneurs, des politiciens fédéraux ou des États, des grands officiels, donner des discours dans toutes sortes de choses, d'expliquer le Canada, etc. Et franchement, expliquer le Canada dans des événements, comme des entrevues comme ça aussi. For our American listeners who need a little help with the French. Jamshed Merchant, the council, the Canadian council, has a territory where the center here is in Minneapolis, and his territory includes North and South Dakota, Wisconsin, Minnesota, and did I miss one? Yeah, it's Iowa. Iowa, yes. And his job mainly consists with contacts of Canadians who have problems, such as a lost passport. His second major function is promoting commerce between the countries, creating jobs for Canada. In particular in Canada. And what else, Jamshed, did you do? And then working and understanding what are there any policies, the main or policies. Legislation, mm-hmm. Whether it's at the state level or the federal level in the United States, that could have an implication on Canada, understanding what that is, and then explaining Canada's points of views concerning that. Et parce que je suis ici, entre le Canada et les États-Unis, il y a un commerce de valeur de, je pense, environ 750 billion dollars milliard. Par an. Oh, là milliard là. De dollars par an. Donc, c'est 700 environ... Milliard. 750 milliards de dollars chaque an. Donc, chaque jour, c'est environ de 2 milliards de dollars. Entre les deux pays de commerce. Mm-hmm. Donc, c'est mm-hmm. très important pour le Canada de promouvoir des relations, créer, augmenter cette relation. Donc, le Canada a environ approximately 12 consuls généraux au travers du pays. Je suis ici, à Minneapolis, mm-hmm. mais aussi, donc, j'ai des collègues à Chicago, à Seattle, Denver, LA, San Francisco, Dallas, Miami, Detroit, etc. Dans des villes comme ça. Canada's our most important trade partner here. Oui, aussi, pour les États-Unis. Et les États-Unis aussi, dans des reconnaissances. Canada, des homologues de moi au Canada, à Toronto, à Montréal, à Halifax, à Vancouver, à Calgary, qui fait la même chose que moi, mais pour des Américains. U.S. Embassy. U.S. Be, diplomate American or Canada. So would it be the U.S. Consulate? Yeah, that's what it is. Consul. Exactly. Consul okay, generals. Right. Okay. And then there's also a consul in Winnipeg as well. Oh, the same function for American who might be rough, in. Yes. Mm-hmm. Yeah. Do you know approximately how many Canadians we have that are Canadian nationals in Minnesota? Non, parce que je sais qu'il y a beaucoup. Il y a de milliers de Canadiens ici. Mais le défi ici, les Canadiens sont un peu comme des Américains, donc ils disparaissent dans le grand groupe des Américains. J'ai rencontré des Canadiens juste par hasard. J'ai rencontré quelque chose, par exemple, je ne sais pas, dans la rue, qui disait, oh, moi, dans un discours, et elle ou il m'a dit que je suis Canadien, ou ma femme, ou mon épouse est Canadienne, ou ma mère est Canadienne, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de Canadiens ici, mais ils disparaissent dans le grand groupe des Américains. What's the population of Canada compared to the United States, which I have no idea of our population? Donc, la population de Canada est approximativement 35 millions. Et la population des États-Unis est approximativement 300 3 million. Donc, c'est la relation, c'est 10%, mm. un tenth. Et la Terre est énorme au Canada. Oui, c'est un des grands pays du monde, oui. Beaucoup plus grand que les États-Unis. Oh, oui. Mais au point de vue des affaires culturelles, vous faites quand même, le consulat s'occupe aussi sans doute des introduire des chanteurs, des scientifiques, des échanges entre les États-Unis et le Canada. Donc, je me souviens, vous avez aussi facilité de faire certaines, d'inviter certains chanteurs. Et là, je me souviens, il y a quelques années, 2 ans, 3 ans après, et cette année, est-ce que vous avez quelqu'un qui va venir ou qui va, ou des films? Vous avez aussi introduit des films à un moment donné, typiquement de Québec. Maintenant, ce n'est pas nous qui encourage, qui invite des gens, des chanteurs, des écrivains, des artistes ici. Mm. C'est plutôt des groupes ici qui font des invitations. Nous travaillons avec ces groupes comme ça. Des groupes, comme j'ai dit, par exemple, avec Ruth Moody, elle est ici. On est par l'invitation de Red House Records et le Shaughnessy, le théâtre, la grande salle dans le, je pense que c'est le, l'université campus de Saint-Catherine. Saint-Paul. Mais je pense que l'avril prochain, le grand ballet canadien de Montréal sera ici, dans le Northrop. Mm-hmm. Oui, mais... je pense notre je pense la McKnight Foundation est en train de faire une invitation vers un danseur québécois de faire un stage ici, de créer un ouvrage dans la danse, le thème de danse ici. Il y a quelques semaines, Gordon Lightfoot, un grand héros canadien, est ici, un chanteur ici, était ici pour une soirée à la Theatre, State Theatre à Minneapolis. Yeah. Donc il y a un comme aussi souvent à la Ordway, un autre exemple, et l'Ordway avec la Flint Hills Children's Festival, souvent il y a un groupe québécois, un groupe canadien ici dans le programme. Et nous profitons avec ce type de groupe de faire des interactions, d'utiliser ce groupe de faire la promouvoir du Canada. Il y a le Northern Clay Center, c'est un magasin, mais comme un studio pour la création des arts de clay. Il a une exhibition des artistes canadiens dans des œuvres. Alors, there's a lot of cultural exchanges in every type of discipline in the art world taking place. And as you were mentioning as well, we had... I thought I turned my phone to do not disturb. How did that happen? We were just outside. You were talking about as well, in your capacity, you do a lot of business exchanging, being able to help with trade. Are there some sort of examples or growing areas of industry that you see potential for import from Minnesota for Canada? Or what? Yeah. Oh my gosh! Sorry. Pas problème. Oui, ici cette région et le Canada, il y a le grand exporteur de produits agricoles. Donc dans le secteur agricole et des éléments, il y a beaucoup de commerce, des interactions. Les entreprises ici comme le Cargill ou General Mills achètent beaucoup de produits agricoles du Canada, par exemple la viande, la porc, le bœuf, the probably come des oats. Grains as well. Le blé, etc. It crée de produits, le céréal, etc. Et donc, nous avons un marché très, très intégré. Un bon exemple dans le secteur de porc. Porc. Donc, Iowa et Minnesota are the grand état ici aux États-Unis qui produit le porc. Mm-hmm. Oui. Oh, okay. Et au Manitoba, dans le voisin, au Canada, il produit, c'est un bon environnement pour la naissance de petit porc, le baby piglets, de venus et petit porc. Je ne suis pas le nom français pour piglets. Cochonnet. Ok. Je prie quelque chose chaque jour. Mais afin de faire croissance de piglets, il a besoin de la nourriture. Donc, il achète le cornmeal, le soymeal originaire de Minnesota, Iowa, de faire croissance. À un certain âge, il exporte, transporte le petit piglet ici, au Minnesota ou Iowa, afin de faire croissance, raise the piglets, the pigs. Ah bon, ils sont nés au Canada, élevés ici. Et après ça, il y a le process, la transformation, si vous voulez, ici, comme dans la grande meat processing, comme Hormel, etc. Donc, il crée le porc. Et souvent, le porc est exporté au travers des États-Unis, mais aussi au Canada. Donc, nous avons comme créé un système de commerce intégré entre deux. Un autre exemple est des automobiles. Afin de créer une automobile finale, souvent les automobiles, c'est une partie est manufacturée au Canada, une autre partie ici aux États-Unis, une autre partie au Mexique. Et c'est un voyage entre les trois pays, back and forth. Et après ça, on crée une voiture. Ici, au Minneapolis, il y a comme des autobus ici. C'est créé par une entreprise qui s'appelle New Flyer. New Flyer est une entreprise du Manitoba, du Winnipeg. Il a une factory, une usine à Saint Cloud. Il utilise l'usine à Saint Cloud de finaliser la fabrication des automobiles. Donc, il utilise des parties des équipements créés au Manitoba, créés au Mexique, et fait la manufacture ici, finalement, pour le transport, pour l'export au Canada, au Mexique, au travers le monde, ici. Donc, ça, c'est un exemple de notre marché. C'est très, très intégré. C'est très sophistiqué, notre commerce. Ici, on écoute une chanson. Oh, oui, c'est bon. Let's go ahead. How about we listen to the title track from this, Ruth Moody, These Wilder Things. Parfait. All right. Letting go is the hardest part.

sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Pas homme de foi, j'irai cueillir la fleur d'amour Esmeralda. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi me sert encore? Yeah. Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Some great music from Canadian artists. First of all, we heard Ruth Moody with These Wilder Things from the album of the same name. And it's recorded by Red House Records, so that would be available here, wouldn't it? Oh, for sure. We have a hard time finding Canadian things here. You have to be on the lookout. Right. They could always send it to Bonjour Minnesota at the KFAI studios. Actually, if you'd like, we can leave these with you, so we can please. Oh, that would be wonderful. Yeah, nice. Fantastic. So after that was Garou, Céline Dion, singing Sous le Vent. And finally, there was Patrick Fiori, Garou, and the song Belle, which was from the musical comedy Notre Dame de Paris. Beautiful. I love that song. I know. It's a rap. Good. Now, I have a question. What is the, to the consul general, what's the address of the consulate in Minneapolis for all of those Canadiens errants? Who have lost their passports and so on. Where is your main office? Yes, Nous sommes dans à Minneapolis, au centre-ville, sur la 4th Avenue South, as 701, 4th Avenue South. Donc, ça, c'est sur la rue 4th Avenue South, apparemment, entre la rue 7th Street. 8th Street. Mm-hmm. Donc, c'est près de la courthouse et le centre de ville de Winnipeg, mm-hmm. et le centre médical de Hennepin et le stade de Vikings est près, proche de nous aussi. Donc, nous avons maintenant une bonne vue de la création du nouveau stade de mm-hmm. Vikings. C'est incroyable. It really is. On peut le voir même de la fenêtre d'ici, de la station. Oui, oui. Je dois parler plus fort. On voit la grande star des Vikings. Do you, with the Canadian Council, do you also have in Canada the livret de famille as they have in France? Qu'est-ce que c'est, livret de famille? When one marries. If you marry a French citizen, mm-hmm. then you have to like register it with the government, and then if you have children residing abroad, you have these, it's like you create a record and document so that the consulate mm-hmm. knows where their people are and all of their descendants. Oh wait, no, c'est n'est pas formal comme ça, mais okay. Oui, mais si vous êtes canadienne ici et mm-hmm. nous avons des enfants ici, mm-hmm. c'est votre choix. Okay. Oh, donc, choose. C'est automatiquement si votre mère ou votre père sont canadiens, vous avez automatiquement, vous avez le droit de devenir le canadien. Mais ce n'est pas compulsaire, c'est votre, c'est volontaire. Si vous décidez, oui, mm-hmm. J'aimerais devenir une Canadienne. C'est, oui. Donc, souvent, il y a des familles ici, c'est des parents d'un Américain, peut-être la mère est une Américaine, la père est Canadienne. Et après quelques années, peut-être, est-ce que mes enfants sont capables de devenir citoyens canadiens? Mm-hmm. Mais la réponse est oui. Il y a quelques autres règlements un peu différents avec la deuxième génération, mais pour la première génération à l'extérieur du Canada, oui. Mais ce n'est pas compulsaire, vous n'avez pas, ce n'est pas une, ce n'est pas une obligation, c'est votre choix. So if a Canadian has a child here, whether the other spouse is American or Canadian, do they register with you, the child, the newborn child? Oui, la plupart, ce n'est pas une registration, c'est on fait une application, un formulaire de devenir un citoyen canadien. Okay. C'est simple comme ça. Mm-hmm. Un exemple était une femme ici qui est une chanteuse fantastique, c'est Francine Roche. C'est une grande amie de Féroze et moi. Et donc Francine est québécoise. Et donc Francine évidemment, Roche. C'est mm-hmm. évidemment canadienne. Et donc Francine m'a dit qu'elle est canadienne. Son fils est canadien aussi parce qu'elle est canadienne et elle a demandé qu'est-ce que c'est des grands enfants devenir canadien. Ah. Mais oui, parce que la paix est canadienne. Mais c'est le choix des parents. Okay. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une registration. Non. Est-ce qu'ils peuvent avoir double citoyenneté? Oui, le US est canadienne. Le Canada est très ouvert. De la citoyenneté, mais c'est souvent le problème avec l'autre pays. Donc, le Canada est ouvert. Canada is open dual citizenship. But it's the other, sometimes the other country that doesn't want. Exactly. You have to make a decision of which country you pledge allegiance. Right. Shall we listen to a little more music? Oh, shall we do? Let's or give the hour. Sure. Oh, it's that time. And then we'll do the music. Mm-hmm. Il est 9h. It's the top of the hour. Il est 9h. 21h dans un système rationnel. you are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis and Saint. 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries, which we demonstrate today. We have someone from our neighbor across the boundary. Vous êtes à l'écoute de Fraîcheur Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, et 106.7 FM St. Paul, Radio Sans Frontières. Et quelle heure est-il à Québec maintenant? Maintenant, c'est 1h20. Donc, ici, c'est le temps central. Le Québec est le temps de l'Est. Donc, c'est dans le système rationnel. Si vous le dites, c'est le 22h. Mais dans le système normal américain, c'est 10h dans la soirée. OK. So, you say it's been 21 hours in Canada? J'aimerais dire qu'au Québec, on utilise l'orage de 24 heures, oui. Donc le système européen, le français, comme ça. Mais dans le reste du Canada, on utilise le système American. Do you use metric system? Oui, au Canada, on utilise... The temperature, pour tout. La distance. Distance, la volume, la weight. The leader, oui. I heard that Canadian leader is larger, isn't it? Than no, un litre, au travers le monde, c'est fixe. Ça, c'est le... Mais parce que dans le système anglais, l'imperial, on a imperial. La différence entre un imperial gallon et un autre gallon. Donc, c'est très confusant, mélangeant. Mm-hmm. All right, let's listen to a little summertime music that might be a little nostalgic for you. Ram, dam, dam, what I do, c'est le temps des vacances, c'est le temps des vacances, nous avons gradué, c'est le temps des vacances, la saison pour semer, allons sur le sable chaud, tout près de la mer, près de toi. Je suis si bien, sans toi je ne peux vraiment bien. C'est le temps des vacances, partons tous les deux. C'est le temps des romances, oublie si tu veux. Oui j'avoue que j'ai eu tort, donne-moi tout ton amour. Chérie je t'aime, je t'aimerai pour toujours. Autrefois, mon cœur ne battra que pour toi. C'est le temps des vacances, la saison des mûres. C'est le temps des romances, comme l'été dernier. Reprenons très vite ensemble. Redonne-moi tout ton amour. Chérie, je t'aime, je t'aimerai pour toujours. Ram, dam, dam, what I do, c'est le temps des vacances. Ram, dam, dam, what I do, c'est le temps des vacances. Ram, dam, dam, what I do, c'est le temps des vacances. Dans sa tête. All right. We My just. Oops. No, all right. This is one there of we go. But it does work. Oh. You heard there a couple of songs. First of all, Pierre Lalonde, C'est le temps de vacances. It's vacation time. And finally, the last one was Les Marinelli. Weren't they about the 60s? Well, the songs from sounds from song, the 60s. The song sound. Is called. The sound is very 60s. Quand elle marche, when she walks. But it's recently produced, so it only that song only came out in the last couple of years. It just sounds. It has that sound. And it's sung by Pierre Lalonde, right? Oh, the first one was Pierre Lalonde. Yeah. The most recent was the last song was Marinelli's, from Quebec. We were talking about the different laws and getting across the border. Carole had asked if Canada did some sort of promotion to get more tourism to Canada. And it does. I'd like to see. I personally like to see Canada do more because Canada is a fantastic country of beautiful, huge country with all sorts of diversity from sort of some of the best urban places in the world, Toronto, Montreal, Vancouver, to the most fantastic open wild open spaces from the Arctic to fishing and rivers and stuff like that, and just generally nice people. So we love to have Americans there. As a Minnesotan, my first time to Canada, I've been to the Quetico Boundary Waters area, but never to a large city. So when I first went to Toronto, I thought that it was going to be a small city, and I was babysitting a 2-year-old, and I put the kid on the back of my bike and rode from Roseville down to the water and the CN Tower. Yeah. And I was in the middle. It was like New York City. I didn't think that it was like that. When I first came to ignorant. Canada years ago, when I used to visit my girlfriend, Feroza, who's now my wife, that's a long, long time ago, Toronto always used to remind me of a very prim and proper old English city, right? Very conservative, very English, like an old English maid, compared to Montreal, which was sort of outgoing, joie de la vivre, c'est la vie. But Toronto's really changed. It's one of the most diverse and open cities in the world. You can sit in shopping malls, and there's all sorts of people, different clothes, hues of colors of the skin, and all just doing their thing in harmony. So it's a really changed and it's grown into one of the best, nicest, to my mind, cities in the world. And speaking of international feelings, we were just talking about your origin. And when you arrived in Canada, but where did you start out from? Where were you born? Well, originally, just me near on end, Bombay. Et après, lorsque j'avais, je pense, 2 ans, mon père a quitté l'Inde pour le Qatar, dans le Moyen-Orient, dans le Golfe, pour le travail dans des explorations de pétrole avec British Petroleum. Et puis après quelques années là, à Qatar, mes parents a quitté, émigré vers l'Angleterre dans les années... années 60, au commencement des années 60. Donc, après ça, nous sommes habités en Angleterre lorsque j'étais jeune, jusqu'à j'ai obtenu mon maîtrise de l'université. Et puis, j'ai quitté Angleterre pour le Canada parce que dans cette époque, c'était ma blonde. Au Québec, on dit ma blonde. For your girlfriend, it sounds very rude, but ma blonde, but c'est le terme propre pour le slang, au Québec for girlfriend, ma blonde. So ma blonde Feroza était à Montréal et nous avons décidé de marier et nous avons un choix entre l'Angleterre, la vie en Angleterre ou la vie au Canada. Et parce que j'ai une formation dans la science de l'environnement, environmental science, et une maîtrise dans la science du sol, je pense que le Canada a beaucoup de environnements, c'est un grand pays. il faut qu'il y ait de travail ici maintenant. Donc, nous avons décidé de faire notre mariage ici, à Montréal. Donc, pour la première, je pense, 4-5 ans de notre vie ensemble. C'était à Montréal et j'ai obtenu un poste comme chargé de cours, faculty lecturer à l'Université McGill à Montréal, au centre-ville, comme un chargé de cours, faculty lecturer dans le département de géographie. Et puis, je n'étais un académique, je n'ai aucune intention de suivre un doctorat ou quelque chose comme ça. J'aime la formation, de travailler avec des gens dans le processus de comprendre des choses. Et j'ai obtenu un poste en Alberta, avec le gouvernement provincial de l'environnement, dans le domaine de la réclamation de sol. Et puis j'ai obtenu un poste avec. Et après ça, nous avons habité à Regina, en Saskatchewan. Je travaille avec le gouvernement fédéral, le ministère de l'Agriculture. Et puis après ça, nous avons habité à Ottawa pour, je pense, environ 20 ans. Et après ça, ici, à Minneapolis. Voilà. Voilà, mais c'est très intéressant. Donc vous êtes en principe un scientifique. Et comment on devient diplomate? Bonne question. Je ne suis pas un diplomate. Mais je ne suis pas un scientifique aussi. Donc, à une fois, il y a dû y avoir une transition de mais mon rôle, j'étais un conservationniste de sol, soil conservationniste. Et dans ce rôle, notre rôle n'est pas nécessairement de faire la science, mais de convaincre des gens, des producteurs agricoles, d'utiliser des pratiques de conservation. Donc, c'est plutôt, pour moi, j'ai découvert, c'est plutôt un travail de comment on peut convaincre quelque chose, convaincre someone to change, persuade. Un diplomate, c'est de plus ou moins la même chose, oui. Notre rôle est de comment on peut convaincre une personne, par exemple, je pense, un politicien ici, qui dit que, oui, je pense, pour le Canada, ça, c'est la situation, et convaincre une personne de comprendre votre point de vue. Donc, c'est un peu... Et de travailler avec les gens, et j'aime ça, j'aime le travail avec les gens, d'utiliser toutes les connaissances, connaissances scientifiques, de politique, etc. Oui, et puis il faut y avoir une doigté pour présenter ces arguments et les faire d'une façon très... Is this the first American city that you have lived in for the length of time? Notre premier poste comme diplomate, donc j'étais une carrière dans le secteur public, le civil service, comme bureaucrate fonctionnaire avec le gouvernement fédéral. Mais ça, c'est notre premier poste à l'extérieur du Canada. Et Ferrez et moi aiment beaucoup de Twin Cities. Le Twin Homme, qu'est-ce qu'on dit en français? Ville jumelle. La ville jumelle. Il y a beaucoup de culture ici. Mais beaucoup de culture, c'est de ville. Il y a beaucoup d'énergie ici, la créativité, en ce qui concerne le travail, la culture. Ah oui, de bons espaces. Ils sont des villes qui fonctionnent. Have donc you spent nous sommes très contents. A winter here yet? Oh oui, oui. Oh, mais you're used to winter. Nous sommes habitués avec de l'hiver, mais ce n'est pas une question. Oui, nous sommes habitués, mais c'est comme de l'hiver canadien. Plutôt, c'est le même hiver, la même température comme Ottawa ou Montréal. C'est la même chose. Ce n'est pas comme la froideur qu'on trouve dans les prairies en Saskatchewan. Non. Ça, c'est un autre niveau, une autre magnitude tout à fait. C'est plutôt, on trouve ce type de climat comme la prairie du Canada en Dakota ou Dakota Nord, à Minot, Grand Forks, des villes comme ça près de la frontière avec le Canada. How many time zones are in Canada? Oh mon Dieu, ça c'est une bonne question. Il y a il y a le temps atlantique, oui, le temps de l'est, Eastern Time, le temps de centre, Central Time, le temps de Montana, le temps pacifique, sont 5, mais aussi Newfoundland, un autre 30 en avant de l'Atlantique. Donc environ, nous avons 5 zones, time zones, avec une demi-heure pour Newfoundland, donc environ 6. Okay, so Newfoundland is part of Canada? Oh, for sure. Oh, I guess I didn't. I was ignorant of that. Yeah, Newfoundland, la Terre-Neuve, en uh-huh, français. La Terre-Neuve. Était une grande île, qui était une partie de l'Angleterre, uh-huh. un territoire, une colonie d'Angleterre, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense en 1946, Newfoundland a devenu une partie de, du Canada, donc notre dernière province de joindre le Canada. Mm. Et maintenant, on dit que c'est Newfoundland, l'île de Newfoundland, la Terre-Neuve, uh-huh. et aussi une partie de la mainland, c'est Labrador. Donc, la right. province, on dit mm-hmm. Newfoundland, la Terre-Neuve et Labrador. Newfoundland et Labrador. Et il parle aussi un peu de français à Newfoundland, because oui, oui. Ils ont des mines de charbon. Oui, la mine de charbon, et aussi près de la Terre-Neuve, dans le golfe de Saint-Laurent, le golfe de Saint-Laurent, il y a des îles qui sont le territoire de la France, l'île de Saint-Pierre-Miquelon. De Gaulle est venu là une fois. Oui, donc c'est un peu bizarre. Vraiment, mm-hmm. ici, dans l'Amérique du Nord, il y a le territoire français. French territories in the Canadian îles, continent. Mais c'est très belle ville. You recommended some other music that we should listen to. Garoulou, oui, c'est vrai. Right. So what is the backstory? Garoulou, c'est un groupe musical du Québec. C'est créé par deux frères Lalonde, Marc et Pierre, d'habitants de Cornwall, dans l'est de la province de l'Ontario. Et dans les années, à la fin des années 70 et le commencement des années 80, la scène musicale au Québec était très vive, comme ici et maintenant. Donc, il y a une grande explosion de voix québécois. Et Pierre et Marc ont créé avec deux ou trois autres gens un groupe qui s'appelle Garoulou. Et Froze et moi, lorsque nous avons faire notre mariage et avant ça, nous avons écouté la musique et il a créé de nouvelles versions des anciens folk songs. Okay. Le folk songs québécois, le folk songs français, mm-hmm. mais il a créé comme une version moderne. Et maintenant, je pense que la chanson c'est Victoria, c'est une des favoris de moi et ma femme Féroce. Mm. Okay, here we go with Garoulou with Victoria. la guerre, ça ne va pas. Oh Rebecca, ça ne va guère, ça ne va pas. Oh Rebecca, la nature est toujours là. Oh Rebecca, programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at AMPERS.org. AMPERS features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. Yeah. Back notes on that one? Mm-hmm. That was Garoulou, is that correct? Garoulou. With Victoria, which is just an idyllic place for a vacation. Victoria, British Columbia. Beautiful. Yeah, beautiful, yeah. Fantastic museums. Nice climate, too. Wonderful climate, always just pleasant, never too hot. And makes the rest of Canada, Canadians jealous because they always have crocuses and stuff like that in February when the rest of Canada is on the 6 feet of snow and minus 30 degrees and stuff. It must be currents or something, though. Yeah, it's a maritime, right? So that's why so many people retire to Victoria. Well, it's an ideal place for a vacation. Yeah. So and it was fantastic. The city of Victoria that he was singing about, not the Queen. No, there's only a girl Victoria he knew about. Okay. Yeah, I don't think it was the Queen somehow. That leads me to a question. I mean, comment est-ce qu'il y a encore des vestiges du gouvernement anglais, britannique? Ce n'est pas le vestige du gouvernement anglais, mais notre système, c'est un système de monarchie. C'est, donc, notre head of state, notre chef d'État est le monarque du Canada. So not head of state is the monarch of Canada, who's also the monarch of England. So, who's also the monarch of Australia? So this monarch, who currently is the Queen Elizabeth, right, is the Queen Elizabeth of England, Queen Elizabeth of Canada, Queen Elizabeth of Australia and New Zealand. So all the powers of government derive from the crown, and so the title is the crown. So the Prime Minister, who's our head politician, like the president, he's called the prime minister because he's the first minister and he's responsible for delivering government on behalf of the monarch of England. So everything we do in Canada comes from that. So we have elections and everything, but in terms of for laws to come into reality, the Queen has to either sign them, just like the President. You know, after Congress approves, agrees that the House and the Senate they agree on legislation, before it can become law, the President has to sign it. So in Canada, it's the same thing. The Queen has to sign it, but the Queen is never in Canada, so she has a representative called the Governor General, and it's the Governor General who's essentially the Queen's representative signs the bill. So Parliament develops them, but before they become legal, they had to be signed by. So therefore, my question would be, still, you're doing that, how, is so money is still being sent to the Queen? And No, not at all. They're totally different countries. No taxation? I mean, it is a different country, but if there's still not at all? Not at all. No. So it's just the way it's derived. So they're separate. It's the same person, but it's the way the monarch is. It's called the parliamentary system. Right. It's a constitutional monarchy. So it's very different from the United States version. Canada follows the same parliamentary model as England does, as opposed to the United States model. In Canada you have a House of Commons and you have elected MPs. Mm-hmm. There, federal MPs, and then you have a non-elected Senate. And here you have the senators, of course, are elected as well. And in the United States, each of the House representatives and senators put their own bills together. You know, one does one on agriculture, the other does one on agriculture. Then they meet and they come to an agreement. Then they pass it to the president. In Canada, the House of Commons develops the legislation. The Senate discusses that legislation, makes some amendments if it wants to. Then it approves it. And then it sends it on to the Governor General. The Senate doesn't make its own legislation. Okay. And then we have provinces, just like states here. And they have their own powers and authorities. Oh. So there are clashes between the powers of the provinces and the central forces. Yeah, provinces always tend to want more powers and more money, and the feds, you know. But by and large, I mean, and it's a system that works very well for Canada because it's a large country and provinces represent people at the local level in the same way as here in the United States, right? Mm-hmm. Hey, do we have you to thank for this CD that we received of the Orchestre de Montréal? No, c'est ma première fois. I don't know, it's here somewhere, one of us. Oh, I have it right here. Mm-hmm. Hang on, let's have an announcement and we'll get back to some music after that. Every weekday from 6 to 8 a.m., The Morning Blend brings you interviews, music, news, and highlights from programs all around the KFAI schedule. 5 different teams of volunteers work together to wake you up and get your day started. With one daily stop, you can get a sense for what's going on in the world at large and in the smaller but equally diverse world right here at KFAI. Listen for The Morning Blend, live and local community voices each weekday morning on KFAI. Et de l'amour plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses. Mes faiblesses. Celles que j'avoue qu'à demi-mont. Demi-mont. Mais faut pas mes maladresses. Maladresses. Et de l'amour plus qu'il n'en faut. Plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses. Mes faiblesses. Celles que j'avoue qu'à demi-mot. À demi-mot. Mais faut pas mes maladresses. Maladresses. Et de l'amour plus qu'il n'en faut. Plus qu'il n'en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Mes blessures et mes faiblesses. Mes faiblesses. Et que j'avoue qu'à demi-mot. À demi-mot. Mais faut pas mes maladresses. Maladresses. C'est de l'amour plus qu'il en faut. Plus qu'il en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Day from 6 to 8 a.m., The Morning Blend brings you interviews, music, news, and highlights from programs all around the KFAI schedule. 5 different teams of volunteers work together to wake you up and get your day started. With one daily stop, you can get a sense for what's going on in the world at large and in the smaller but equally diverse world right here at KFAI. Listen for The Morning Blend, live and local community voices each weekday morning on KFAI. Shall we back announce that was not. What, did we announce Garoulou? Yes, we did. Yeah. Natasha St-Pierre, Tu trouveras. And a Canadian singer. We're to find it. I find it. Well, yes. Find it. I like her voice. Beautiful she's voice. Following in the footsteps of Celine Dion. It's such a treat because we never hear Canadian artists locally. Mm. And she's had a lot of success in Europe with. On the TV show The Voice Belgique, France 3 TV shows, Eurovision Song Contest 2014 as commentator. So, wow. She's a Acadian origin Canadian. From New Brunswick, yeah. Mm-hmm. So perhaps I might be related to her. Oh, yeah, yeah. Never know, huh? 400 years ago, yeah. 350. Yeah. Or no, wait. Maybe 1650, was that when it was the original? No, I think the actual immigration from, or the migration from out of Acadia happened later than that, 1700s, I think, 18, yeah. After 18. The battle of the would what? Have been after the War of 1812. I'm not a historian, yeah, so, but I'm sure it's... The battle of, what is this again in Quebec, the normal... Plains of Abraham? That would be way after that. Yes. I would think. Right, I have a quick question. Qui peut intéresser les Minnesotans. Le petit coin qui est là-haut, dans le, au nord, nord-ouest. L'angle de nord-ouest. Comment ça s'est fait? Parce qu'apparemment, il existe encore des traités, des conventions que Minnesotan peut passer par Canada sans papier. Non, mais comment ça s'est fait, ce petit truc-là? Ouais. Ça, c'est un peu un accident dans la création de la frontière entre les États-Unis et le Canada. donc après la guerre de la 1812, là, ça c'est comme une réalisation que là, il y a la fête des Amériques est ici, et la fête anglaise, le Canada est là, et on a commencé à créer la frontière entre les pays. Dans l'est du pays, c'est relativement simple, on a suivi le fleuve Saint-Laurent et créé une ligne dans le milieu de la fleuve. Mais dans l'ouest du pays, on a créé comme une ligne, mais cette région n'était pas ouverte, c'était pas exploré, c'est un grand vide dans le cas. Donc c'est un peu un accident de la... Donc, lorsque le négociateur de créer la frontière a créé le treaty de créer la frontière, il a décidé d'utiliser la ligne comme la ligne 49, le 49th parallel, le parallèle 49. Je ne sais pas comment on peut expliquer, mais il a créé comme pour la ligne de join the Lake of the Woods area, they had to kind of create this sort of bulge, and it was almost like an accident of fate. But so now you have to get to the northwest angle by land, you have to cross Canada. Donc, on laisse le Sachinid peut-être dans la porte de War Road entre le Canada, faire un travail de, je pense, 50 kilomètres peut-être, 40 minutes en voiture ou quelque chose, et on arrive à la frontière des États-Unis. Et la frontière, c'est juste comme un signe sur la rue, il y a la frontière. Mais c'est comme unique, ça c'est l'idiosyncrasie de la frontière. Il y a une bonne vidéo, peut-être dans la prochaine émission, on peut donner comme le link pour Facebook. Parce qu'il y a une très bonne vidéo amusante qui explique la frontière, entre la création de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Oui, parce qu'il n'y a aucun autre État qui a quelque chose comme ça. Non, il y a quelques petites choses comme ça dans l'Ouest. Il y a une pièce des États-Unis qui est liée avec la Colombie-Britannique. Et le seul méthode d'entrer par voiture, par la terre, est de voyager vers la British Columbia. OK, donc ce n'est pas unique. Ce n'est pas aussi grand comme l'Angle de l'Ouest, mais... We can definitely share that on our Facebook page after a few. I'll make sure we try to send you the link. It's very funny. Yeah. That sounds good. How about we listen to one more song from The Bills? The Bills, brilliant. And then we will be right back to you. Oui, ça c'est notre groupe des hommes. The music avec le chanteur, c'est amusant. C'est un peu comme la musique acadienne. C'est très vive, jolie, le folk. Mm-hmm. Here we go. Step inside, go on, get yourself inside. Step inside, go on, get yourself inside. Step inside, go on, get yourself inside that hallowed hall. Park or the hall after dark. on the mist while the breakwater shakes up on high. And the pear sachet to a wild Virginia reel with the poles and the preacher standing by. Is Joking with Tony Paul and newsreader Kirk Mattson on Monday afternoon. Oh, I'm glad you do it. I'm glad you are glad to do it. And I'm glad you can take a joke. Shake and bake. We are Radio Without Boundaries. Check this out. This is Poser. He likes to pose. KFAI is community. Stay connected on the air and at KFAI.org. Well, you heard there the group called The Bills, and the name of that song was what? Hallowed Hall. Hallowed Halls. And that's on a record. Canadian group. I like them. They were folklore type things. Me too. I think it's so great that we have that it's the record labels here in St. Paul, Red House Records. Yes, oh, that's Red House, yes. So. Well, I know they did people like Paris Combo. At one time. Oh, okay. Yes, I think they look for diverse sounds also from around the world. Art Rouge. Oh, do we have some announcements from the Alliance Française? I certainly do. Coming up in July, Thursday the 9th from 6 to 7:30, Apéro en Français. Conversation en Français at the University Club in St. Paul. On Saturday, from 2 to 8, it's Bastille Day. It's a little early, but they're celebrating it on Saturday the 11th at West 7th Place, St. Paul. It's 2 to 8. They're partnering with the Dakota Jazz Club and their new venue, Le Vieux Carré in downtown St. Paul. Come and enjoy live music, food and drink, kids' activities, crafts and face painting, artists marketplace. You can play pétanque and or boule. You can ride on an old Citroën. The Citroën Car Club will be there. There will be a mime, a French book sale, and much, much more. Listen also to the music of Marc Stillman and Francine Roche in Québécoise, Lojo and the New Standards bands. There is an admission, but it's quite reasonable. So join us there, Saturday the 11th, 2 to 8, West 7th Place in St. Paul. A movie in French, en français, on the 24th at the Ciné Club, Un drôle de paroissien from 1963, free and open to all. Parking situation has changed at the Alliance Française. You are now on your own. There are several parking lots there, but apparently they will not be offering free parking on evenings or weekends to their members and others. So find your own parking, either on the street or on other parking lots. One book is going to be read by all the Alliance Française in the world. It's going to be called Le Chapeau de Mitterrand by Antoine Lorrain. Let's see, we have workshops. Pop Goes the Art on Tuesday, July 7th from 9 a.m. to noon. And join Denis Despinois on a journey through pop art culture from France, including such artists as Martial Reis, Niki de Saint-Phal, Jean-Pierre Meurouz, and others. Things that are mainly from Walker. I'm friends with Jean-Pierre Mirouz. Really? Yes. How did that happen, Danny? You have more friendships. I met him on Rue de l'Arpe, and I thought he was the most curious person because, and then I also was like a bartender, and he was so incredible because he was always being interviewed by journalists. So I introduced him to another photographer, and I got to attend some video openings of films and speeches at the Videothèque de Paris and Centre Pompidou with Jean-Pierre Mirouz. Well, yeah. You were always there at the right time. How interesting. You know, there's interesting people everywhere, but what an exciting opportunity to have that here. Cool. Well, you're going to have to take that class they're offering on Thursday the 7th. From 9 to noon. Great. At the Alliance. Vive les prépositions, July 25th at the Alliance from 1 to 4. You can know which French verbs and expressions use certain prepositions and which do not. Shape as well. Lots of kids camps, for summer camps, for children from kindergarten on up to high school students. I advise you to check out the Alliance Française and see what they have to offer. Rochester, too, is offering all kinds of things. Rochester, Minnesota, they will be having their own Bastille Day from 5 to 8. This paper says June 14th, but I'm surely they mean the real July 14th, in downtown Rochester at the Peace Plaza. Petit Déjeuner in Rochester, too, on July 11th from 9:30 to 11:30. Many jobs and things for people to do, such as housing for visiting students and teachers. So check out the Alliance Française on their website. Just put in Alliance Française. Okay, I think that'll do it for today on that. Let's get back to our guest, Mr. Jamsed Merchant, the Consul General of Canada. Thank you so much, Carol. Thank you for coming. No problems. It's such a very much pleasure. Well, it's so interesting to hear all you've said. And we've just hardly discovered it. I've just barely begun to discover Canada. But it's really an autre occasion, oui? Yeah. To continue la conversation. Oh, a visit to Victoria was wonderful. There was that conversation about the drinking age. Yes. Oh, the drinking age in Canada, yes. We were talking about the thing that if you cross the border as a drinking person, there are certain kind of things that you have to be aware of, and maybe the consul can enlighten us on this. Oui, le Canada didn't pay très tolérant pour plupart des choses, mais en ce qui concerne la boisson alcoolique, il y a la mal utilisation d'alcool. Il y a la tolérance minime, zéro. Donc, notre règle, notre loi en ce qui concerne la drinking and driving est différente. Ici, aux États-Unis, ce n'est pas un crime, c'est un misdemeanor. Si on a beaucoup d'alcool dans notre système et on conduire une voiture, c'est un misdemeanor. Mais, par contre, au Canada, si c'est dans la même situation, ça, c'est une felonie, plutôt comme un crime. Voilà. Et donc, lorsqu'un Américain avec un misdemeanor pour, en anglais, c'est DUI, driving under the influence, arrive à la frontière canadienne, dans la frontière du Canada. Votre record, tout votre record des interactions avec la police, etc. ici, sont disponibles pour des agents du Canada. Même chose pour les Canadiens qui arrivent aux frontières des États-Unis. Et on peut regarder tout votre misdemeanors, etc. Et donc, avec ça, c'est difficile d'entrer le Canada. Il y a des exceptions, mais il est très essentiel qu'on dise la vérité. Si vous avez des infractions, les misdemeanors, c'est très, très important de dire oui, j'ai des infractions, expliquer les circonstances. Si on dit non, des gens peuvent regarder dans what le système, l'ordinateur, le computer. Donc, et si on dit non et les gens disent non, non, il y a une infraction, ils disent you are lying. Et après ça, c'est fini. The Canadians have access to the police reports? Oui, oui. Même chose ici. Oh, okay. Une partie de notre système de synergie entre les deux pays et d'assurer que notre franchise est notre périmètre, c'est le plus sûr que possible, que nous partageons toutes sortes d'informations. Notre force de sécurité travaille ensemble d'une manière très collaborative, en partenaire pour le terrorisme, toutes sortes de choses. So if an American arrives with a DWR in Canada, then they are refused entry? Oui, il y a la discrétion de l'agent de frontière postale. Okay. Et donc, c'est très important de comprendre votre situation. Et si vous avez des doutes ou des questions, et regardez dans le site web de notre, c'est en anglais CBSA, la Canadian Border and Services Agency, de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type d'informations. Donc, c'est essentiel pour vous, je me dis, de regarder dans le site web de la CBSA, de la situation, et regarder quelle est la procédure, quel est le processus. And a DWI is not a misdemeanor in Canada. It is a felony. A crime. Very serious. Oui. So that's the difference. Felons are not allowed to vote in the United States. No, je pense au Canada. Vous êtes un citoyen. Donc, on peut voter. Même les felons. Well, I think we have just enough time for a couple more songs here, and we can. We have to wish you a bonne semaine à nos auditeurs, et remercier Consul Général Charles-Michel Marchand d'être venu. Thank you very much. Et moi, je vous souhaite un heureux Canada Day demain. Oh, oui, merci. Yes. Encore, oui. Et peut-être à la prochaine. Si oui, vous oui. avez le temps, à la prochaine. Vous allez fêter demain? Oui. Are you going to celebrate tomorrow? Oh, oui, bien sûr. Grande célébration chez nous. Oh, bravo. Merci. Let's go ahead and we'll leave you this evening then with Le Vent du Nord, with Vive l'Amour, and Florent Vallon with Nichounen. Whisper now, whisper now. time with my life.